pensez qu'on va y arriver à la grève générale ? J'aimerais bien. Vous-même, vous êtes en grève aujourd'hui ? Enfin, aujourd'hui peut-être non, pas. Non, je ne suis pas en grève, mais je l'étais jeudi, et je l'étais mardi dernier, et je l'étais jeudi d'avant, et je l'étais le mardi d'avant, voilà. Et en décembre aussi. Vous êtes dans quel métier ? Je suis enseignante. Ok. Il y a une bonne mobilisation dans votre établissement ? Non, très peu, c'est un peu décourageant. Voilà, parce qu'on se bat pas pour nous, on se bat pour les autres. Et puis c'est pour les générations à venir, pas seulement pour le projet de réforme de retraite, mais pour, pas seulement pour ce retrait, mais aussi pour les générations d'élèves qui sont en train de souffrir de la casse du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Votre prénom, c'est quoi ? Sandra. Merci. Bonne manifestation.